Il est 10h moins quart, je fume une clope devant le bloc. Je fais la bise au guetteur, puis on part inspecter le hall. C'est bon RAS, pas de candé dans le vide ordure. J'ai vérifié le toit et bloqué l'accès à la cave. Il est 10h pétante, le G arrive avec la sacoche. Il me dit que je suis sur 6000, en peu en shit et en coq. C'est mon pote, je lui fais confiance, mais tout le monde aime se défoche. Donc on recote mon ami, parce que les trous c'est pas fastoche. Je croise le petit du deuxième qui passe avec son ballon. Je lui donne 10€ et marque bouffe sur la feuille de compte. Petit, prends-moi un café, un paquet de feuilles, un coca. Garde la monnaie pour toi, demande au guetteur qu'est-ce qu'il veut voir. C'est bon, je suis prêt pour mon TP. Mon tel est à 100%, mais là c'est son bienfait, chalak, que je finis pas aux arrivants. Et voilà notre premier client, un putain de toxico. Avec ses mains gonflées et puis la moire, il a plus de chico. Il veut la pureté à Mexico. Ouais, t'inquiète, c'est de la frappe, c'est de la frappe. Si chez toi le client est roi, ici le client est cleans. On t'arrange minimum si tu prends 500 Angies. Si chez toi le client est roi, ici le client est cleans. Poto, y'a pas d'arrangement possible, à part si tu prends 500 Angies. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Cash money bank bank. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Money bank bank. Tous les jours j'fais TP, mais un jour on va péter. J'tire les clients, j'entends Ara dans la foulée. Tu connais la devise poto, faut vite étaler. Je cavale à la part, j'm'enferme à double tour. Chalak, j'ai rien fait tomber dans la cage d'escalier. La vie du charbon, c'est l'adrénaline. J'aperçois une jolie cliente qui fait la file. Je lui demande son snap, elle me fait la maline. Ok, c'est rien, je lui serre la barrette la plus fine. J'ai plus de bœufs de shit, faut qu'on me ravitaille. Je préviens le gérant juste avant qu'il se taille. Je donne la paye au guetteur, il a juste fait mi-temps. Et moi, je fais temps plein parce que j'ai trop les dents. Le clean s'y fait le fou, en plus il paye en pièces. Sur ma vie, je vais lui servir un 30 à 50. À dire que dans le four, c'est moi le chef d'orchestre. Si y'a Haja, c'est moi qui assume les conséquences. Si chez toi le client est roi, ici le client est cleans. On t'arrange minimum si tu prends 500 Angies. Si chez toi le client est roi, ici le client est cleans. Poto, y'a pas d'arrangement possible, à part si tu prends 500 Angies. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Cash money bank bank. Tous les jours j'fais TP, tous les jours j'fais TP. Money bank bank. Tous les jours j'fais TP, mais un jour on va péter. Il est minuit, j'fais les comptes et je rends la sacoche. Toujours pas les menottes, donc demain rebelote. Il est minuit, j'fais les comptes et je rends la sacoche. Toujours pas les menottes, donc demain rebelote. Tous les jours j'fais TP, tous les jours.